Sylvia, j'ai demandé de... Pour pas écorcher ton nom. De le redire, s'il te plaît. C'est Sylvia Schkiwanti. Voilà, je sais que moi, je l'aurais dit vraiment très très mal. Sophie Racine, ça c'est plus facile. And Reka, you pronounce it? Reka Bucci? Bucci, voilà. Voilà, vous avez les trois films sont Symphonie numéro 42, je vais essayer de montrer ça, La soupe aux fraises que vous avez vue ce matin, et Rêve de brume. L'idée de cette rencontre, en fait, est de proposer à des... comme je vous ai toujours dit, ces rencontres sont en partenariat, plus ou moins en tout cas avec le festival, et l'idée de proposer à des étudiants qui n'ont pas la parole, en fait, dans le festival. Je trouvais ça dommage que les cafés croissants, enfin, les interviews du matin étaient faites que pour les professionnels et que les étudiants n'aient pas finalement la parole. Donc, c'était intéressant de donner à des étudiants sortants, en fait, hein, puisqu'ils ont fini l'école, même s'il y en a qui continuent, elle ne comprend pas le français, mais je dirais à Reka, on va faire en anglais comme il y a avec Steven Holochem, s'il y en a qui continuent dans d'autres écoles, on va voir avec ASF. Donc pour Reka, je vais vous montrer quelques extraits de films. Encore une fois, La soupe aux fraises, on l'a vu ce matin, donc on va peut-être commencer avec Sylvia. La Cambre, on va parler de vos parcours déjà avant de parler des films. La Cambre, c'est la première école que tu faisais en animation, c'était un choix évident? Oui, c'était la première école et c'était un choix assez évident. C'était un peu la seule école d'animation qui me plaisait à Bruxelles, donc... L'autre étant Sint-Lucas ou Lucas, qui sont des écoles néerlandophones. Ouais. Et est-ce que tu connaissais ce que faisait la Cambre avant? Tu avais regardé, tu savais le genre de film qui était produit là-bas? Oui, je savais que c'était une école d'art et qu'ils produisaient des films plutôt réalisés, enfin des films d'auteur réalisés plutôt avec des matériaux faits main ou de la 2D ou de la 2D ordi, mais ça restait toujours des films d'auteur. Donc. Sophie, la Camp, première école aussi d'animation, t'as fait quoi avant? Bah, j'avais fait un bac art plastique, un bac littéraire avec une spécialité art plastique. Et ensuite j'avais fait une année de prépa, classe d'approfondissement en art plastique en fait. Mais du coup j'avais tenté en fait des écoles de beaux-arts plutôt. Et la Cambre était la seule école avec une section animation que j'avais tentée. C'était quelque chose que tu voulais faire depuis un bout de temps, l'animation ou... En fait, j'hésitais entre les beaux-arts et l'animation, et du coup, j'ai tenté aussi la Cambre, et quand j'ai été prise, je me suis dit que c'était l'occasion de voir si vraiment ça correspondait à ce que je voulais faire. Sylvia, toi, l'animation, c'était aussi une évidence? Moi, j'avais hésité entre l'illustration et l'animation, et aussi entre voyage à travers le monde. Donc pour moi, c'était soit j'étais prise à la Cambre, soit... Je partais un peu à l'aventure et à la découverte d'histoires que les gens pouvaient me raconter dans la vie réelle. Reka, the first question is easy. It's MoMA is the first school you did, or did you what did you do before? Yeah, I did another school, but it's a small school, just 2 years, because in Hungary you can't really learn animation just at MoMA, like. So mainly the people just do drawing academy or something like that to get into the school. So that's what I did as well. You need to go to a school then to go to MoMA. You can go. Yeah, you can, but it's easier to get in if you have some animation experience. Donc voilà, je demandais. So you can learn animation in other school. I mean, like the 2 years you did. What was? Yeah, it was. I did 1 year from the 2 years because then I got into MoMA and then I just finished the other one. But it's just called like it's just some basics of animation and storyboard and programs and software. Donc voilà, donc je demandais la même question et en effet la réponse c'était qu'elle avait fait, en fait on peut apprendre un peu l'animation dans d'autres écoles en Hongrie, donc elle avait fait une école normalement qui se fait en 2 ans, elle a fait qu'un an de cette école et voilà, c'était une manière un peu plus facile, même si c'est les basiques, hein, sur storyboard, logiciel, enfin voilà, pour programmation, etc. C'est assez basique, mais en tout cas voilà, ça permettait de, pardon, de rentrer directement à le moment où, what is, I mean, oui. Have a lot of film from MoMA every year. I mean, there's a lot of them. It's a free school. You can do whatever you want. There is some really strict rules. It's what is the teaching in MoMA? Yeah, they mainly like they teach. They want to have directors, like mainly individual artists. So they leave it to us what we want to do in the last year of the master's. So they don't really direct us. So everyone can decide what kind of animation he or she wants to do and has it as a portfolio. So that's why we do it mainly on our own. So we don't graduate in groups, but really try to make something which is fitting our thing, what we want to do in the future as well. Ouais, donc je demandais quel était un peu le travail à la MOME, qui est donc une célèbre vraiment école mondiale qui est donc en Hongrie. Et elle disait que c'était plutôt des réalisateurs qui essayaient de former des gens qui travaillaient sur des choses personnelles, individuelles. Voilà, et en fait, notamment au niveau du master, ils ne les poussaient pas dans une direction, dans une autre. L'important, c'était ce qu'ils allaient rajouter au portfolio, enfin voilà, ce qu'ils allaient montrer plus tard. Donc l'idée, c'est bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans le futur. Ils font souvent ça seuls, c'est pas un groupe. Voilà, c'est souvent eux-mêmes, enfin chacun de son côté qui travaille. La camp, c'est un peu la même chose. Vous êtes un peu tout seul aussi à la fin. Il y a pas mal de professeurs quand même derrière, où vous êtes vraiment plutôt libre. Sylvia. On est plutôt libre, on peut faire un projet sous quelle forme que ce soit, qu'on a envie de le faire sous forme de performance, même on n'y est pas spécialement poussé, mais on peut. Et sinon, on est censé le faire tout seul, mais il y a aussi des collaborations qui sont avec une autre école de cinéma à Bruxelles, l'INSES, pour tout ce qui est niveau du montage ou du son. Et mais pas tous les projets ont droit à cette collaboration. Donc il y a sur 5 projets, enfin sur 10 projets qu'il y a au cours d'une année, il y en a peut-être 5 ou 4 qui bénéficient de cette collaboration-là. Ouais. Sophie, tu as un style que tu as eu dès l'année dernière. Est-ce qu'il était avec Balade, dont vous vous souvenez peut-être, j'ai montré des extraits de Rêve de Brume qui est passé hier, que vous avez peut-être pu voir dès hier. Est-ce que c'est un style? Est-ce que ça, c'est les professeurs vous pousse dans un style, par exemple, dans un autre, ah, ça c'est vraiment très bien, continue là-dessus, ou non, là vous êtes pareil, c'est vraiment une grande liberté, vous pouvez avoir, je sais pas, un truc très graphique, ensuite plutôt ton style, enfin, ou alors une narration, pas de narration, comment ça se passe? Non, je pense que c'est assez libre, en fait, à partir de la troisième année à la Cambre, chacun fait son film et décide autant du sujet du film que de la technique qu'il veut employer, Donc du coup, ce qui fait que certains vont travailler en stop motion, d'autres en papier découpé, d'autres en dessin. Enfin, là-dessus, je pense qu'on est vraiment très libre. Toi-même, c'est là, il est de travailler à deux, même. Tu as pu travailler... Oui, j'ai pu expérimenter un film avec une amie que je connais depuis Saint-Luc, depuis qu'on avait 14 ans, Gwendoline Gamboa. Donc on a fait un film pour les enfants en papier découpé. Et oui, c'était une super expérience de pouvoir travailler avec quelqu'un et après de pouvoir de nouveau travailler tout seul, de retravailler des parties qu'on a découvertes à deux, mais de les reprendre et de les développer davantage dans son propre univers. Donc, oui. Comment est-ce qu'on va parler des films? We're going to talk about film, but first, Sylvia. On a vu son film ce matin, pour la plante rouge qui était là ce matin. C'est venu de quoi cette idée? Souvent, c'est compliqué de parler de projets personnels, finalement, des fois on n'a pas forcément. C'est venu vraiment cette idée de tourner dans les origines polonaises. Donc moi, en fait, je suis arrivée en Belgique, j'avais 9 ans avec mes parents et j'ai passé mon enfance en Pologne, dans une région très très verte où on habitait dans la forêt. Et du coup, c'était très particulier d'arriver à Bruxelles où c'est un type de vie assez différent. Et donc, je pense que c'est des ambiances qui m'ont beaucoup inspirée au niveau imaginaire, au niveau humain. Et donc, j'avais envie d'un peu retrouver ces ambiances-là et un peu les partager avec les gens. Ça s'est fait, on voit un peu, là, je montre des images de nouveau derrière. La technique est quand même assez différente, enfin, si je n'ai pas de bêtises, justement du film fait avec... Gwendoline, Limaçon et Caricole. Et ouais. Oui, en fait, dans Limaçon, on avait tout animé à l'ordinateur, donc sur Flash, puis on avait imprimé. Donc c'est une histoire avec Limace et des escargots. Et donc tout tout a été quasiment animé en substitution papier sur multiplan. Donc là, ça reste du multiplan, mais en fait, la plupart, j'avais pas vraiment un storyboard très particulier, donc j'avais envie plus de travailler comme une plasticienne, en plus directement sur le multiplan, un peu de trouver un autre langage que celui qu'on essaie de nous apprendre à l'école. Et c'était important pour moi d'expérimenter ça avant de sortir. Donc je mettais un peu tout sur le multiplan avec la lumière en dessous et je me disais, tiens, en fait, je vais m'amuser et il y a bien quelque chose qui va sortir parce que quand on dessine, finalement, c'est comme ça. Pourquoi ce serait pas comme ça en animation? Donc voilà, ça s'est plutôt fait un peu petit à petit. Tu dis qu'on vous apprend, donc ça veut dire quand même, par exemple, ça, tout ce qui va être technique hors dessin, on ne vous l'apprend pas à la camp, c'est ça? Vous travaillez tout seul et vous essayez d'avancer avec des profs qui, de temps en temps, vous disent des choses ou En fait, on a des rendez-vous tous les deux mois, c'est ça? Tous les deux mois. Avec les vacances, ça peut dire qu'elle est... En fait, toutes les trois semaines effectives. D'accord. Toutes les trois semaines effectives, il y a des rendez-vous, vous êtes obligé de montrer un peu ce qu'il y a. Mmh. Est-ce que les professeurs vous aident, par exemple, dire je ne sais pas comment je vais faire ce mouvement, ou alors il y a quelque chose d'assez libre, encore une fois, et vous trouvez avec des erreurs que vous pouvez faire, mais vous avancez seul ou accompagné? C'est pas une question piège, hein, c'est... Je pense que ça dépend vraiment des films, et des affinités aussi entre prof et élève et film. Un peu comme dans tout, quoi. D'accord, donc on peut être seul, mais on peut aussi avoir... Si on a décidé de faire le truc comme on a envie, je crois qu'ils vont pas vraiment s'y opposer non plus. Est-ce que le fait qu'on parle de souvenir, le côté organique de l'animation était important? Est-ce qu'il y avait l'idée de presque tactile, enfin bon, voilà, les matières étaient importantes? Il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées, ça se voit, c'est pas spécialement vraiment mis en avant, mais pour moi c'était important. Il y a des papiers que j'ai récupérés en Pologne, dans la maison de mes grands-parents, il y a des plantes que j'ai même pris là-bas, que j'ai séchées, donc en fait c'est la démarche pour moi qui était importante personnellement, qui est pas spécialement que le public voit pas spécialement, mais c'est des ingrédients que j'y ai infusés et cette démarche, en fait, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'en animation souvent on fait un produit et on pense beaucoup au public, et même si j'y ai pensé, c'était aussi un truc personnel qui est important. On le sent même dans la structure narrative, quand tu dis qu'il y avait pas de storyboard, on a l'impression d'arriver à un moment donné de l'histoire, on a l'impression d'en repartir à un autre, voilà. Et qu'il y a pas forcément début de fin. C'était un peu voulu parce que pour moi c'était aussi au fur et à mesure que je commençais à construire reconstruire les souvenirs ou des images qui me revenaient, il y en avait d'autres qui faisaient apparition aussi, puis je me disais ah mais oui, en fait ce serait logique de faire ça, et donc c'était un travail plus en patchwork, et je trouvais que c'était beaucoup plus logique de construire mes souvenirs, un film sur mes souvenirs comme ça plutôt qu'avec un storyboard de A à Z bouclé, quoi. Donc c'était juste... Mais c'est pas difficile, des fois on perd papier en se disant là où est-ce que je vais? Si, mais c'est ça qui est bien. Ouais, ça fait du bien de se dire c'est pas effrayant de se dire là j'ai mon diplôme dans 4 mois, oui, mais ça fait du bien. Mais c'est ça qui est bien, parce que je crois que justement si on se bloque trop avant le diplôme, après on profite c'est chouette de sortir et de se dire je suis libre, en fait je suis maître de ma vie, quoi. Et c'était un peu dans ce but-là aussi que j'ai fait ça, pour me mettre en danger, parce que je savais qu'après ce serait pire. C'est bien oui, de réussir ça. Les réactions à la sortie du film, il y a des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même dit on comprend pas trop, c'est pas très la construction et tout. Il y en a beaucoup qui apprécient l'univers aussi. J'ai eu des bons échos, comme des échos constructifs au niveau... pour la suite, ça va me servir, les échos que j'ai eus, au niveau narratif surtout. Oui, c'est des choses qu'on... Une fois que le film est terminé, une fois que c'est passé, on écoute beaucoup les autres, les réactions. Est-ce que le fait de le montrer en festival, c'était à Zagreb la semaine dernière par exemple, etc., est-ce qu'il y a des discussions? On parlait juste à l'instant des rencontres avec d'autres réalisateurs. Est-ce que ça c'est vraiment important? Oui, c'est super important parce qu'on se rend compte qu'en fait... à l'école, même on en a parlé ensemble, du fait d'avoir un film assez, qui tend vers la perfection et qu'au final, il n'y a plus d'espace pour l'humain, c'est des choses qui reviennent beaucoup parmi les gens qui font des films d'auteur, je pense. Cette recherche vers quelque chose de plus... ouais, de plus sensible, en fait. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant dans les discussions à Zagreb, surtout. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense, de trouver cette ligne qui se situe vraiment entre la technique et entre quelque chose de sensible. Alors là, il faut juste, mais on va peut-être pas forcément baisser, mais il faut que je mette du son, parce que le son, évidemment, est fondamental dans le film. On va just look at the beginning of Symphony No. 42. Voilà, le début. Bel arrêt sur image, si vous savez ce qui se passe après. Nice. Freeze frame, just. J'espère qu'une grande partie d'entre vous ont vu Symphony numéro 42 qui est passé. I told you before that, but you know, the first time I saw the film, it was on a selection committee in Zagreb, and it was like confusing. It was a film only once, I had to watch it again and again to really enjoy the film. How did you manage to work? Did you have, Sylvia told us she didn't have any storyboard, and it seems such an absurd movie, but really well constructed. It's really hard for me to follow the basic pipeline that you learn in school. It's I don't work with that. Basically, I was just. Collecting very a lot of ideas and pictures and whatever what I had in my head, and then I just really arranged them for a lot of time, like on small papers on my floor, and then I just had a mass of these ideas, and then I saw that there is like a topic, a theme which is holding some of the scenes together, and then I started to sort out what I thought it's not fitting the topic or the universe, and I found and I used associations which could bond together these different characters and scenes so that there is like a coherent universe for it. And then I started to work with a sound designer from the very beginning, so that I wanted to have a film which is really strongly connected with sound and very, very intensely working with sound. Donc je demandais, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez fort et il y a ce côté donc avec ces scènes qui se répondent presque les unes avec les autres. Et je lui demandais évidemment comment elle avait travaillé. Elle me disait que c'était, que c'était compliqué de pour elle de suivre le pipeline, hein, le basique, on va dire, de l'animation, le fait d'aller dans ce qu'on apprend souvent à l'école. Elle n'avait pas travaillé là-dessus, donc en fait elle avait toutes ces images, toutes ces idées qu'elle avait dans la tête et qu'elle mettait au fur et à mesure sur le papier, et en fait elle a rangé ça chez elle. Elle a mis tout ça à plat et elle a essayé de voir en fait s'il y avait un thème qui plus ou moins se dégageait, et elle se rendait compte qu'il y avait des thèmes qui se dégageaient de certaines des images et qui correspondaient à d'autres images. Elle a enlevé les images qui ne correspondaient pas à ce thème-là et pour en faire quelque chose, pour que ça se tienne et pour qu'il y ait une cohérence de l'ensemble, on va dire. Donc c'était important pour elle, et de suite, et pour ceux qui ont vu le film, vous rendez compte, elle a travaillé avec un responsable du son, un designer sonore, et en fait elle s'est rendue compte, c'était important pour elle de travailler comme ça, et dès le début pour mettre en place l'univers. So the sound designer, I mean, did tell you we're gonna put music, did you have a lot of, you know, going on discussion with him, because it's such really well crafted soundtrack. We in the beginning I just wanted to have even less picture and more sound, but then it got really rich in the picture as well. But I wanted to include him really as a creative layer of the project, like not just illustrating the picture, but putting a new layer on the picture. And we had a lot of discussion about sound, and I had a lot of ideas, and he's in sound, so he could add, of course, much more into it. And we wanted to have a Foley, mainly Foley, and not using sound from the box, but we wanted to really go out and then record everything that we can, and to synchronize every movement and everything, so that it gets really real and alive. And I don't want it to have music that much, so that's why there is not really music, because I think that sound and is so strong on its own. I don't need music to for me, just sound is a lot. In a lot of cases, it's stronger than music in film. Donc je lui demandais encore une fois ce travail sur le son. Si vous l'avez vu, c'est vrai que c'est quand même absolument impressionnant. Enfin, en tout cas, ça tient énormément aussi le film. Elle disait qu'elle voulait même avoir peut-être un peu moins d'images et encore plus de sons au tout début. Et l'idée, c'était d'amener ce sound designer en fait comme un niveau de création aussi en plus pour le film. C'était vraiment important, de rajouter ça. L'idée n'était pas de travailler avec des sons synthétiques, des sons qu'on a trouvé dans un ordinateur, dans un logiciel, mais d'aller à l'extérieur, d'aller dehors pour enregistrer ces sons, pour avoir quelque chose de plus réel. Elle ne voulait pas non plus trop de sons. Il y a eu plein de discussions évidemment entre les deux, entre elle et donc son designer, et discuter comme ça, voir un petit peu comment mettre les choses en place. Et elle ne voulait pas beaucoup de musique. Elle se rend compte que dans les films, elle trouve que les sons peuvent être vraiment plus forts souvent que de rajouter de la musique. Is it because, of course, it's kind of an absurd, a lot of them are absurd images. Put back the film. That you needed maybe some realistic sound, so it's, you have a real balance between them. Yes, that was really important, because I thought that when I was working on the design, that I have to find a balance between a very stylized or very cartoonish thing and the real thing, because I didn't want it to make a really realistic design, but still I had to stick with something which is not that unrealistic, because otherwise the story or the scenes would have gotten less absurd and surrealistic. And that's the same with the sound, but in the same time the sound could like change the picture, and that was very interesting how we could go use the sound in a different way as well. But yes, it was mainly because we wanted to have a strong realistic connection. Donc oui, je lui demandais comment est-ce que le comme le film est très absurde, est-ce que le son permet justement, le son réaliste permet de d'avoir un équilibre sur par rapport au film. Elle disait que c'était de toute façon quelque chose qui a, sur lequel elle s'est déjà posé la question au niveau du graphisme même du film, puisque elle essayait, elle voulait avoir quelque chose de réaliste, mais c'était pas quand même ce qui l'intéressait. S'il y avait comme il y a quand même quelque chose de graphique, alors elle dit presque cartoon, hein, enfin voilà, mais c'était pas ça non plus, c'était pas le côté cartoon l'intéressait pas, il fallait trouver quelque chose entre les deux, puisque évidemment, le, comme vous pouvez voir, le côté absurde aurait, serait peut-être passé différemment si elle avait utilisé aussi un graphisme absurde, enfin voilà, ça aurait rajouté l'équilibre qu'ensuite ils ont essayé de retrouver au niveau du son, justement, et d'avoir un son qui on va dire mélange, enfin qui puisse créer cet équilibre, et en fait d'avoir un son qui change l'image et qui transforme l'image finalement était quelque chose d'important et de, qu'elle rajoute de la force à l'image. About the Cyril, that's Pierrot Le Fou. Yeah. Thing. Did you have a lot of references like that and playing with the, you know, images of films and everything? No. Yeah. There are some in it, like 3 or 4, I think. But it's something that I always like wanted to try. It's something maybe just kind of for myself, because I admired these artists and who are like in the film kind of, and it's yeah, it's just some scenes that I like and they are connected to these artists, but yes. Vous avez vu donc à l'instant, il y a une image hein, qui fait référence bien sûr à Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, et donc je lui demandais s'il y avait, elle me disait oui, c'est des références qu'elle aime bien faire, mais c'est plus pour elle-même, même c'est plus comme voilà, c'est des artistes qui sont liés à ce qu'elle aime, et donc elle trouve intéressant et elle fait ça, elle fait quelques there's problem with the images. Non. OK. Et donc c'est vraiment des choses qu'elle fait voilà pour bon, presque pas pour rendre hommage, mais vraiment comme des clins d'œil finalement. About I was still about the absurd and the way you linked them you know and took out did you had a lot of problems? I mean it seems that you have such an imagination. I mean, you could have done like a much more longer film and with other things. So, how did you do that? You picked the ones. The associations and that's so hard to talk about it after, because now you know I finished it a year ago or something. So I started 2 years ago. So it's quite far away now. But I don't know. I just had like I wanted to use. So many things in association. Of course, sound was the main thing that I could use to connect one scene after the other, but not just one scene after the other, but to connect different scenes in different points, so that there is not just a line of scenes, but there is like a coherent thing. And I use like rhythm for this and color, and of course, I had to do a lot of visuals and sketches to see what the picture will be, and then what I can do with it, and what will the movement look like, so that I can connect the scenes with rhythm, movement, and colors, and characters coming again. And yes, so I don't know. It's a very intuitive process. So. What I'm doing now at my this film, what I recognize that it's always different. So of course it's similar what the process of creating the film, but still it's always depending on my mood and on what I am into. And and for example, now I use like a lot of post-its, and I always change what I am doing, like it's what comes easier. So I think it's really important not to stick to one method in like creating something, because then you get a little bit stiff. I mean, you can't let go some things you should maybe. Donc je lui demandais comment elle avait fait, ce qui est, quand vous regardez le film, ce qui est très étonnant, c'est d'avoir à la fois cet univers complètement absurde et qui a une vraie cohérence. Donc je lui demandais comment elle avait réussi à faire ça. Donc elle disait que ben, c'était un peu compliqué pour parler de ses associations. Ça fait plus d'un an qu'elle a terminé le film. Ça fait 2 ans qu'elle l'a commencé. Donc bon, ouais, faut se replonger là-dedans, c'est pas évident. Il y a évidemment le son a été la première chose, comme elle nous l'expliquait, qui peut travailler ces associations, ces scènes les unes après les autres. Il y avait aussi évidemment l'idée de comment les connecter à travers le rythme, à travers la couleur, pour garder en effet, encore une fois, cette cohérence des personnages qui reviennent dans des scènes. Il y a beaucoup ça, si vous regardez, c'est pour ça que le film est intéressant à voir plusieurs fois. Dire, ah ben oui, tiens, il y a ça qui est arrivé, etc. Et elle disait que c'était vraiment pas évident de l'expliquer. C'était vraiment sur des petites choses, voilà, des couleurs, des moments qui se retrouvent dans le film, toujours en travaillant sur aussi ce rythme, et c'était assez intuitif, elle disait. Il y avait quelque chose de très intuitif de la manière de faire ces choses. C'était pas forcément un processus intellectuel. Aujourd'hui par exemple, elle utilise un procédé, enfin un processus de création pour son nouveau film qui est à la fois un peu le même et qui est différent toujours. Il y a toujours cette idée de, elle disait, c'est selon son humeur du moment, elle décidait de choisir. Elle utilise beaucoup de post-it par exemple pour son nouveau film, et l'idée était de toujours changer en fait le processus, ne pas se laisser enfermer dans le même procédé toujours et de pouvoir d'un seul coup partir pour pouvoir se laisser aller. Ça sera intéressant, on en reparlera aussi donc samedi dans cette dernière conférence sur se laisser aller dans son trait et évidemment aussi dans son imagination. We're coming back to you for the future, but we're going to Sophie just right now. If I get to find Sophie Racine, we're switching in French back. Donc Sophie Racine, c'est juste, on va regarder là aussi bout de rêve de brume. On va rallumer la lumière, c'était juste pour montrer un petit extrait, merci. Juste pour replonger dans Rêve de brume que j'espère que vous avez vu. Coupe le son, je suis désolé, je sais que c'est aussi des parties importantes de film, mais pour discuter tout en gardant. Donc Sophie, deuxième venue au festival, après Balade. Comment ça se passe c'est un peu des questions un peu bateaux que je pose tout le temps, c'est un peu les mêmes, mais parce que c'est vrai que vous avez des univers en plus assez particuliers. Comment se passe la création d'un film où on est plutôt dans un rêve de brume est aussi un peu une balade comme le premier? Comment ça se passe au niveau de l'écriture? On parlait tout à l'heure de l'écriture. En fait, ça s'est passé assez différemment entre Balade et Rêve de brume. Parce que pour Balade, j'étais pas partie pour faire un film, donc du coup j'ai commencé à animer sans savoir du tout où j'allais. Et au final, je pensais même que Balade et Rêve de brume ne feraient qu'un film que je ferais sur 2 ans. Donc, et au final, j'ai finalement monté ce que j'avais animé pendant un an pour le présenter à mon jury. Et il s'avérait que ça avait une cohérence et une construction. Et qu'après mon jury, je me sentais plus capable de redécouper dedans comme il aurait fallu que je le fasse pour continuer le film. Et donc, du coup, j'en ai fait un autre, Rêve de brume. Et pour celui-ci, j'ai voulu le faire finalement d'une façon plus traditionnelle, avec un scénario, un storyboard. Je ne suis pas tellement arrivée. Et donc j'avais construit une narration, j'avais commencé un storyboard, et puis finalement j'ai commencé à animer avant d'avoir fini le storyboard, parce qu'il y avait des parties que j'arrivais moins à visualiser. Et puis je trouve que en commençant à travailler, on a aussi d'autres idées, enfin il y a un processus qui s'enclenche. Et du coup, d'animer certaines parties m'a donné d'autres idées supplémentaires que j'ai pu intégrer. Je préfère aussi. Donc il y a l'idée vraiment, là d'un seul coup, il y a un acte de création qui est quasiment le même que dans le film. C'est-à-dire que dans le film, il y a une balade, on se promène, on va dire, on navigue à l'intérieur de ces paysages. Et toi, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une navigation à l'intérieur du film où tu te laisses surprendre par un moment donné, par un croisement dans le film, comme on peut se laisser surprendre dans une balade ou ce genre de choses. Oui, mais par contre, du coup, le film ne se construit quand même pas de façon chronologique. D'accord. J'ai pas commencé par les premiers plans pour avancer progressivement en les ajoutant les uns derrière les autres. J'ai vraiment... Il y avait une séquence comme ça que j'avais plus précisément en tête, donc j'ai commencé par là, en ayant déjà des idées de ce qu'il pouvait y avoir avant et après, mais en me laissant le temps aussi de voir comment j'allais le dessiner, quel cadrage, quelles images. La technique est bien différente de quelque part de balade. C'est alors, à part la facilité, évidemment, alors, je vous montre un petit bout de balade pour ceux qui se souviennent, balade à un côté un peu plus carnet de voyage, comme ça, en tout cas carnet de balade. Celui-ci est complètement différent. Pourquoi t'as voulu changer entre les deux alors qu'on est quand même dans quelque chose de similaire, en tout cas au niveau du scénario et de l'histoire? Mais là, par contre, ça s'est fait progressivement, en fait. Parce que pour balade, le premier travail, c'était le long travelling, qui viennent directement de mes carnets de croquis. Et donc ensuite, ce travail en noir et blanc. Et j'avais envie d'intégrer la couleur et de la faire apparaître. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en peinture sur papier, en éclairant par en dessous, et à faire vraiment des petits tests, et ça a donné la séquence de pluie. Et pour Rêve de brume, en fait, j'ai voulu reprendre cette technique, et en l'approfondissant, en essayant de voir ce que ça pouvait m'apporter au niveau de la recherche des lumières, des matières, de transparence, et d'essayer justement de m'en servir pour rendre... par exemple l'eau, la brume, enfin des choses qui m'intéressaient. Et... Je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais tu as fait ça d'après des photos, tu as fait plein de vidéos, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui t'est... c'est des balades que tu as faites, tu fais pas de croquis, tu fais rien, et puis ensuite tu restitues ça pour le film. C'est un peu les deux, en fait. Il y a vraiment des mélanges. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a aussi... Enfin, c'est très inspiré de balades que j'ai fait. C'est pas réaliste, enfin c'est pas un documentaire, mais il y a des endroits qui existent vraiment, juste que j'ai pioché un petit bout par-ci, un petit bout par-là et que j'ai rassemblé. Et après, il y a des séquences comme la séquence de brouillard où là ça vient vraiment de mes souvenirs, plus que j'ai cherché à retranscrire. Séquence de brouillard, on va pas appeler. Einstein, évidemment, ces gens-là. Il y a des références dans l'animation même quand on travaille, encore une fois, alors là, Rêve de brume vraiment travaille sur une profondeur de champ qui est complètement différente que balade. Donc il y a des gens comme ça qu'on n'a pas en référence, ou non, au contraire, on essaye de mettre tout ça de côté et puis y penser. Enfin, si, je l'avais forcément en tête parce qu'on le connaît tous, et que quand on fait un film où le brouillard a une importance, on ne peut pas. Je crois que ça vient inévitablement. Mais après, ce qui m'a vraiment inspiré, c'était plus ce que j'avais vécu en montagne, et où j'essayais de retranscrire plus ce que... Est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus de ton l'avis, il y a plus de tu as travaillé différemment, plus de matière dans Rêve de brume que dans que dans Balade? Est-ce que parce que dans Balade, si je ne dis pas de bêtises, on reste plus ou moins à la ville, alors que là dans Rêve de brume, en effet, il y a cette échappée à l'intérieur de la montagne, donc il y avait cette volonté de travailler la matière finalement pour mieux passer ce que tu as ressenti lors de ces balades en montagne. Bah, disons que pour le coup, c'était vraiment la lumière, les jeux d'ombre, les jeux de torrent, de transparence. Enfin, j'avais envie de rendre toute cette richesse aussi, de frémissement de la nature, de richesse de couleurs, de nuances. Et donc, c'est vrai que cette technique était, que je trouvais particulièrement intéressante, parce qu'elle me permettait je crois, de rendre toutes ces nuances. Je sais pas si vous, sur les films, c'est jamais facile, vous avez des questions par rapport à ces trois films-là que vous avez vus. N'hésitez pas, sinon réfléchissez. Je vais avancer puisque toujours le temps avance, mais voilà, si jamais vous avez une réflexion, des questions, surtout n'hésitez pas, c'est pour un grand geste. On va parler évidemment, c'est ça. Il y a des grands gestes? Ouais, il y a un grand geste. Si tu fais baler. Du coup, je me demandais, en fait, tu dis que tu es inspiré de tes balades, etc., et je me demandais ton travail du son. Alors, je vais peut-être, c'est un peu gênant, mais je me demandais ton travail du son par rapport à ça. Il y a pas mal de musique, mais il y a aussi du son réel. Est-ce que tu captes quand tu te balades, par exemple, ou est-ce que, comment tu fais? Pour le son, en fait, j'ai travaillé avec des gens. Pareil, Sylvia en parlait tout à l'heure, il y a une collaboration qui se fait avec des étudiants de l'école de l'INSAS, qui est une école de cinéma à Bruxelles. Et donc j'ai eu la chance de travailler quand j'étais en troisième année avec donc un étudiant de son avec qui je me suis bien entendue avec qui j'ai retravaillé en fait par la suite, à la fois sur Balade et sur Rêve de brume. Et le son a été vraiment refait après. Il n'y a pas eu de prise de son en montagne, surtout qu'on était à Bruxelles et qu'on n'avait pas les moyens d'emmener des gens en montagne pour faire des prises de son, c'était pas envisageable. Mais donc, il n'y a pas eu de prise de son. Après, il y a eu un travail sur le son qui s'est fait aussi très en amont. Pendant que j'animais, pendant que je montais, et alors même que le montage n'était pas fini, on commençait déjà à mettre du son, à faire des tentatives. Et pour la musique, bon, dans ce film, elle a une importance parce qu'il y a un personnage de musicien et qui avait aussi l'idée, dès le départ, d'avoir... en fait, j'avais envie de passer d'une musique extra-diégétique à une musique intra-diégétique dans le film. Donc, la musique est venue vraiment en dernier, en fait, quasiment à la fin, et c'est un musicien qui a improvisé sur les images. C'est pas mal dans la salle, là. C'est plutôt pas mal. Et l'idée de vous inviter était aussi de parler de ce qui se passe après, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a pas mal dans ces rencontres souvent d'étudiants, et donc il y a cette idée aussi de se dire que vous avez tous fini. Il y a plus d'un an, donc qu'est-ce qu'on fait après l'école? The thing that I like with inviting students is to know what they did be after school. So what was, I mean, okay, you finished Symphony No. 42. It's in January, but you've been in Berlin. Yeah. Oh, it was something to show the film in a huge festival like Berlin. Yeah, I never thought of getting into Berlinale. That was like, whoa. So, yes, it opened a lot of doors to other festivals, of course, and yeah. Je lui demandais, évidemment, c'est pas parce que le film a été présenté à la Berlinale, festival de Berlin, donc c'est quand même un des plus gros festivals, et je lui demandais juste pas. Ce que ça faisait, donc vous avez, oui, bien sûr que c'est impressionnant, et ça ouvre la porte à d'autres festivals, c'est sûr, mais qu'à penser évidemment jamais que ça puisse arriver dans un festival comme ça. And then you decided to go to other, not really another school, but to do ASF, Animation Sans Frontières. Why? Because I always heard very good things about it, and then I had this thing that I graduated, and then how to, and I didn't really know how to like get to the next step to get out of the school environment and then do another film and get funding and get partners, producers, whatever, and to I just wanted to have a better overview, of course, to on this field of producing, not just directing and not just the creative part. So to be more confident in this, and of course I just I was just very interested in other people's work and how they think, and how I just wanted to leave a little bit and get some fresh air and because I felt like, okay, this movie took me so long, and it was a big thing, it was 10 minutes long, and I just was so inspired by other people who were already over this after graduation thing. They already had new projects, so this inspired me to move on and make a new film, and just yeah, it was great. Donc je demandais, parce que j'ai demandé évidemment trois invités en fait, ce qu'elle fait après. Donc elle fait l'animation sans frontières dont on a déjà parlé lundi. Elle me disait, voilà, elle disait que c'était après cette expérience, c'était quoi faire après, une fois qu'on a un film comme ça, qu'on a réussi à avoir le diplôme. Voilà, comment on fait, quelle est la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'était un autre film. Alors elle disait un petit peu, à la fin, elle disait que notamment elle était beaucoup inspirée par des gens qui eux-mêmes étaient sortis de l'école et qui avaient un projet déjà, qui faisaient des projets, d'autres projets. Donc ça, c'était important pour elle. Et si elle a fait la SF, je me demandais pourquoi la SF, c'était pour avoir, et c'est un peu ce que nous disait Marine Duchet aussi, qui était là en début de semaine, pour en fait voir une étendue, on va dire, de ce qu'est l'animation. En sortant de l'école, il n'y avait pas forcément cette vision large. On est beaucoup dans le côté créatif. Et donc là, d'un seul coup, ça permettait de comprendre aussi la production, comment on produit un film, comment on fait un film. Quand on sort, en effet, donc pas que le côté graphique, créatif, pardon, mais être plus confiant aussi dans comprendre comment se produit un film. L'important pour elle aussi était de se confronter à d'autres personnes, d'autres nationalités, et de partir, de prendre un peu un bol d'air frais, voilà, d'aller voir autre chose, puisque c'est un film quand même qui fait 10 minutes, donc qui est assez long, qui est assez complexe, et il y avait vraiment l'idée de s'inspirer ensuite d'autres personnes. And now you're doing, you're finishing this film, this new film from graduation from ISF. You know, it's when I pitched it in Paris at the Gobelin, then it was in a very concept stage, at a very early stage. So now I found producers who are interested in maybe producing the film. So I am working on it's quite experimental again. So it's really hard to just say I'm writing it, because it's not just writing, it's like everything in the same time. I draw and write in And I made a kind of, I'm working on a storyboard-like treatment, like in a kind of a mixture of these two elements, so that I have like, I'm going to produce and develop the film in Viborg at the animation workshop, or the open workshop there, and I will see, but yes, I hope that I can get money for it and then just go on with it. Yes. Donc à la fin de la SF, il y a toujours cette idée de pitcher devant les producteurs. Donc elle a pitché le film qui était encore. Pitcher, c'est pas un beau mot, je pense qu'on pourrait trouver un autre mot, mais enfin, voilà, elle a parlé de ce film comme ça devant des producteurs, et donc c'était à l'état de concept. Elle a depuis trouvé des producteurs sûrement qui veulent travailler, qui veulent bien produire le film. Dire qu'elle, c'est encore très expérimental, donc dire qu'elle l'écrit pour elle, ça paraît un petit peu difficile. Elle fait un constant va-et-vient en fait entre le storyboard et le traitement, un traitement plus littéraire. Donc voilà, elle passe entre les deux tout le temps. Elle va le continuer à Viborg, à l'Animation Workshop, où il y a un open workshop en fait, où des gens peuvent venir pour, enfin, pareil, c'est comme une espèce de résidence, et vous pouvez aller aller continuer votre film. Is it last question? Is it scary to think that you're going to do personal film all the time, or just you just want to stick to it and you don't care about commission, commercial, or you say, well, maybe I have to do some of them? Yeah, I don't know what's going to come next. I know that I have this project now and I just want to do it. I'm not sure that I would like to work all the time on my next short and then again and again. I'm open to creative commission work as well, and even if there is a good commercials, I think you have to get a balance maybe. I mean, I do some mainly illustration and graphical work, so for I mean it's you have to get money from somewhere, and it's always harder, I think, if you are just depending on especially on Hungarian funding. It's very hard to get normal funding for a film. So I don't know what's gonna come next, but I'm open to mainly everything. Yes. Donc je lui demandais évidemment la prochaine étape ensuite, est-ce qu'il n'y avait pas presque un peu de peur, ou au contraire elle avait envie de continuer à faire des courts-métrages d'auteur. Elle dit que c'est pas forcément ce qui peut l'intéresser de faire un court-métrage, elle ne voit pas forcément réfléchir à un court-métrage, plus un autre court-métrage, plus un autre court-métrage. Elle sait pas trop ce qui peut, elle a répété deux fois, elle sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Elle n'est pas contre, pourquoi pas, faire des films de commande, on va dire, de assez créatifs en tout cas, qui lui permettent de continuer. Elle se dit que de toute façon il faut encore une fois une balance, un équilibre entre de toute façon ce côté-là plus créatif et quand même il faut que l'argent rentre à un moment donné. Donc voilà comment on fait rentrer cet argent. Donc voilà, c'est surtout qu'en Hongrie il est difficile d'avoir des fonds pour faire les films, donc c'est pas évident, qu'elle sait vraiment pas pour l'instant comment ça se fait. Elle est ouverte à peu près tout, enfin voilà, s'il y a des choses à lui proposer, ça l'intéressera. On n'a quasiment pas de temps, donc on va essayer de finir. Sophie et Sylvia, même question, est-ce qu'en sortant de l'école, pareil, on est dans une école un peu comme le Momeuk et la Cambre un peu, c'est-à-dire que je pense qu'on ne vous donne pas forcément des outils pour réfléchir sur la production d'un film, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait en sortant, en ayant fait pour l'une un film, deux films où on se balade, un peu plus contemplatif? Est-ce qu'on va voir les producteurs? Est-ce qu'on attend qu'ils viennent? Est-ce qu'on arrête tout et on se balade en effet pendant un an, deux ans? Sophie? Moi, je me suis un peu laissé une année pour dessiner et pour envisager aussi d'autres choses. Enfin, j'avais envie de faire de la gravure aussi, de faire de l'illustration. Et puis, j'avais pas d'idée d'autres films tout de suite. Et puis là, maintenant, effectivement, je recommence à travailler sur un projet de film, mais donc du coup, j'ai pas encore enclenché vraiment de démarches de recherche de producteurs ou de choses comme ça. J'attends que le projet soit un peu plus avancé pour ça. Alors, j'ai pas traduit, mais Raquel, il disait qu'elle faisait notamment aussi d'illustration, ce genre de choses. Est-ce que pour vivre, tu fais ce genre de choses, ou pour l'instant, non, ça va, t'as pas besoin, enfin... J'ai vendu quelques dessins. J'ai même fait des marchés de Noël, mais ça c'est... Obligé. Non, mais c'est intéressant de voir que voilà, tu préfères en tout cas faire ça que forcément tenter de rentrer dans un studio ou ce genre de choses pour l'instant. Ouais. Je préfère travailler sur soit vendre des dessins, soit avoir même travailler pour l'illustration ou des images fixes de commande plutôt que de l'animation pour un studio. Sylvia, toi, c'est la même chose, ou toi, c'est un peu différent. Il y a une narration. Je dis pas que c'est pas parce qu'on n'a pas de narration. Au contraire, on sait bien qu'il y a plein de films qui marchent aussi, et heureusement comme ça. Mais toujours dans cette angoisse, on va dire, qu'on sait que de trouver du boulot après l'école. Toi, comment? Oui, moi, je travaille à côté aussi dans un autre domaine pour me faire un peu de sous. Et sinon, j'ai eu l'occasion de faire des posters des affiches pour un film documentaire, pochette DVD. Et puis avec Aline qui est là, on est en train de développer un film d'animation pour les enfants en papier découpé sur multiplan avec un storyboard. Et là on l'a proposé à la résidence Folle Image et on va en savoir plus en juillet. Donc voilà, on est un peu en attente avant de prendre des décisions pour l'année prochaine. Donc pareil, un équilibre, en tout cas c'est important de continuer à faire ce travail en plus plus personnel, on va dire, et un équilibre avec des choses un petit peu plus de commande. Oui, et puis j'aime beaucoup aussi les stages avec les enfants et les gens. Donc là, je suis partie cette année dans un centre d'immigrés en Pologne. C'est un sujet qui me touche beaucoup et j'aimerais peut-être développer quelque chose plus large à ce niveau-là, mais voilà. Ouais, pour l'instant, pas de choses précises sur ce projet. C'est vraiment plutôt quelque chose évidemment qui est important. Pour le moment, je m'imprègne, mais on verra. Ok, bah, merci beaucoup toutes les trois et bonne continuation. Merci.